informations, visitez cifou.ca. 89.1. Ne vous inquiétez pas, on est de retour pour En piste avec Tania Baudin. Je sais, en temps normal, ça commence à 14h, voyons, j'ai de la misère avec mes heures, mais à 14h, il est 14h05, on est ensemble pour la prochaine heure. La semaine dernière, on était en rediffusion, sachez-le. Donc cette semaine, on va essayer un petit peu de retourner sur tout ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. Mon Dieu, il s'en est passé des choses. Et pour ceux qui se joignent à nous et qui ne savent pas qu'est-ce qu'En piste avec Tania Baudin, eh bien, ça va me faire un plaisir de vous expliquer que pour la prochaine heure, on va discuter course automobile, on va y discuter aussi véhicules, règlements, je sais pas moi, de la SAQ, ça dépend vraiment de l'émission, mais tout ça accompagné de merveilleuses musiques comme le country, parce que c'est un style musical que j'aime tant et qui se marie si bien, que ce soit au NASCAR ou à différentes disciplines de la course automobile. Alors, vous l'aurez deviné, je suis Tania Baudin. On est en piste avec Tania Baudin et j'espère que vous allez avoir du plaisir. Pour la prochaine heure, on va discuter bien évidemment de qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière émission. Je viens d'en parler un petit peu la semaine dernière, c'était la rediffusion. Donc, cette semaine, on va faire bien évidemment un retour sur nos Québécois. On va aussi faire un retour sur quelques détails qui se sont déroulés du côté de la Formule 1. On va aussi parler d'enduro, de karting. On va parler de rallycross. On va parler aussi stock car. On va faire un nouveau segment dans l'émission. Je ne sais pas si vous êtes excités comme moi, mais j'ai décidé en début de saison cette année de poursuivre l'émission un petit peu plus tard que la précédente saison. Donc, si vous étiez à l'antenne l'année dernière, vous savez qu'en temps normal, à ce temps-ci, on n'a plus d'émission. Mais là, cette année, on a décidé de la continuer. Donc, on a comme décidé aussi de faire de nouveaux segments dans l'émission pour justement pouvoir combler le manque de... le manque de tires brûlés au Québec. Donc, vous allez voir un petit peu plus tard dans l'émission qu'est-ce qui va prendre place justement comme nouveau segment. On va aussi discuter des faits divers qui se sont montrés à plusieurs reprises sur les médias sociaux au courant de la dernière semaine ou des deux dernières semaines, tout dépendant de quand vous écoutez. Si vous écoutez en rediffusion aussi, c'est les deux dernières semaines. Alors, on est dans En piste avec Tania Baudin pour la prochaine heure et c'est parti! Bien oui, on est ensemble, j'ai quasiment le goût de dire pour les 50 prochaines minutes, mais je sais que l'animateur tout de suite après moi va me laisser les quelques temps qui m'ont manqué en début d'émission, alors ça devrait pas être un gros problème. Ne vous inquiétez pas, on va être capable de couvrir tout ce qu'on s'était dit dans le plan. Et j'aimerais débuter avec ce qui s'est passé durant le dernier week-end ou durant depuis la dernière fois qu'on s'est... On s'est jasé ça, comme ils disent. Depuis la dernière fois où on a eu l'émission, eh bien, Alex Labbé a fait parler de lui. Oui, on le sait, la saison NASCAR Pinty's est terminée ici au Canada. Par contre, Alex Labbé a décidé de poursuivre ça du côté de l'ACT et il a conclu sa saison du côté du Connecticut avec une 7e place. Alors, Alex Labbé a vraiment bien conclu sa saison 2016. Tout s'est terminé et la finale de l'ACT du championnat de division américaine de l'American Canadian Tour prenait place du côté du Connecticut au Thompson Speedway et le pilote de Saint-Albert a pris la 7e place au terme du Sunoco World Series 75. Donc, il s'agissait de la toute première course d'Alex Labbé sur ce circuit-là. Pendant qu'il était derrière le volant de la voiture, la rue Motorsports, VR Victoriaville, Desjardins Auto Collection, Garoua Construction numéro 48. Vous l'aurez deviné, ça prend beaucoup de commandite pour pouvoir courser, que ce soit aux États-Unis ou ici même du côté du Canada en stock car. C'est quelque chose qui est très important. Donc, on parle d'une piste quand même assez rapide, difficile aussi. On dit qu'Alex Labbé a dû apprivoiser l'ovale qui est rapide et qui est hautement incliné. Et c'est avec seulement une heure d'essai qu'il a réussi à tout faire ça. Donc, c'était une nouvelle piste pour l'équipe et il devait trouver vraiment les bons réglages assez rapidement. C'est une vieille piste avec une surface très bosselée. On sait, on a plusieurs circuits aussi qui se disent âgés. Comment on dit ça? Quand on parle d'une personne, on dit sage, mais c'est difficile de dire ça pour un circuit de course automobile. Alors, on va dire les vraies choses. On a des circuits qui datent du côté du Canada et c'était la même chose qui se produisait du côté des États-Unis pour l'équipe d'Alex Labbé. Alors, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour faire des essais avec les nouveaux amortisseurs. Donc, ils ont mesuré au régulier du championnat américain et ça a joué pas mal du coude. C'est ce que disait Alex Labbé. Le premier tiers de la course a été marqué par plusieurs neutralisations. Le jeune pilote de 23 ans avait pris le départ en sixième place et il a tenté de tirer profit de la situation. Il a tenté de se rapprocher des meneurs aussi. Ça n'a pas été facile, malheureusement. Il a quand même pu remonter en quatrième place à un certain moment, mais il manquait un petit peu de jus au niveau de la voiture. Alors, ils ont simplement eu une heure d'essai sans pause et c'est peut-être ce qui a empêché justement de trouver les bons réglages du côté de la voiture. Mais tout de même, Alex Labbé a pu passer la ligne départ-arrivée sous une septième place et ce qui a marqué vraiment la saison 2016 du pilote québécois. On est très fiers de lui. C'est un pilote qui fait beaucoup parler aussi grâce à ses bons commanditaires. Alors de ce côté-là, on a hâte de voir de quoi va avoir l'air la saison 2017. D'Alex Labbé. Est-ce qu'il va être de retour à temps plein dans la série NASCAR Pinty's? Est-ce qu'on va plus le voir aussi du côté des États-Unis? C'est quelque chose qui reste à déterminer selon plusieurs dires. Alors, j'ai bien hâte de voir, bien hâte de suivre aussi qu'est-ce qui va se passer du côté d'Alex Labbé. Du côté de la Formule 1, on le sait, Mark Webber a annoncé son départ, sa retraite du monde de la course automobile, du monde de la F1 surtout. Ça en a attristé plusieurs. Mais il y a d'autres nouvelles aussi qui ont apparu du côté de la Formule 1, entre autres Hülkenberg, qui passe d'une équipe à l'autre. Donc, on parle pas de retraite pour Eric Hülkenberg, on parle plutôt de changement d'équipe, mais on se demande surtout qui est-ce qui va piloter pour la place qu'il avait en 2016. Alors, qui va piloter en 2017? On parle bien évidemment d'une annonce qui a Nico Hülkenberg, je sais pas pourquoi j'ai dit Eric Hülkenberg, je suis désolée, mais Nico Hülkenberg a été libéré de ses clauses contractuelles avec Force India pour la saison 2017. Alors, aussitôt annoncé, l'équipe Renault a fait l'annonce que le pilote allemand, qui a gagné quand même les 24 heures du Mans en 2015, allait prendre le volant dans une de ses Formule 1 en 2017. Le président du groupe Renault Sport, Jérôme Stoll, a indiqué qu'il a un plan de 5 ans pour revenir comme une équipe gagnante et que Nico Hülkenberg vient vraiment jouer un rôle primordial, un rôle très important dans ce retour espéré de l'équipe française sur le chemin de la victoire. On le sait, Renault, on n'a pas nécessairement... Force India, c'est quelque chose qui est pas dans les équipes qui sont souvent sur le podium, disons ça comme ça. Par contre, les petites équipes peuvent justement faire le travail adéquat pour se faire remarquer de plus en plus. On se rappellera aussi de, si je me souviens bien, c'était Toro Rosso qui avait eu Max Verstappen à ses débuts. Et c'est grâce à Max Verstappen, justement, qu'on a pu faire des changements au véhicule. Mais qu'aussi, ça l'a donné justement ce petit pouvoir-là à Max Verstappen de pouvoir tomber chez Red Bull. Alors, on espère du côté de Force India de pouvoir faire rayonner l'équipe un petit peu. On va passer aux choses sérieuses. Oui. Qui est-ce qui va prendre le bord, comme on dit en bon français? C'est ce qu'Ilian Gilin écrivait dans un article de Pole Position. Qui est-ce qui va partir? On s'entend, les deux pilotes qui étaient engagés pour la saison 2016 sont Kevin Magnussen et Julian Palmer. qui des deux va rester. En ce moment, c'est 16e et 17e au championnat des pilotes, tandis que Hülkenberg, lui, était en 9e place avec Force India. Il est toujours en 9e place. En fait, Steve Palmer ne semble pas du tout dans les plans de Renault. Magnussen pourrait bien, lui aussi, avoir signifié la porte de sortie au profit des plans de Renault. Donc, ça bouge beaucoup de ce côté-là. On le sait, du côté de Mercedes, c'est stable. Ça va rester Rosberg et Hamilton. Côté Ferrari aussi, c'est confirmé. C'est encore Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Red Bull, on parle encore de Daniel Ricciardo et de Max Verstappen. Chez Force India, c'est pas encore, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui est encore confirmé à part Sergio Perez. Pour le deuxième, c'est que des rumeurs pour le moment. Williams, on parle de Valtteri Bottas probablement. Et on parle aussi, bien évidemment, de notre Québécois Lance Stroll, qui reste à confirmer. McLaren Honda avec Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne, c'est confirmé. Du côté de Renault, Nico Hülkenberg, lui, a été confirmé, mais il reste encore une place à prendre. Donc, de ce côté-là, il y a plusieurs équipes qui ne savent pas encore qui va prendre les volants en 2017. Et c'est quelque chose qu'on va suivre de très près, parce que, bien évidemment, on le sait, et il y en a plusieurs qui le disent, la Formule 1, c'est un petit peu la crème des pilotes un petit peu partout dans le monde. On veut voir les meilleurs pilotes, ceux qui savent très bien se débrouiller. Alors de ce côté-là, en monoplace, bien évidemment, je veux pas dire toute catégorie confondue ou toute discipline confondue, parce que ça serait trop bien vite dit. Alors de ce côté-là, du côté de la Formule 1, on parle bien évidemment de monoplace. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai surtout hâte de voir ce que Lance Stroll va pouvoir nous amener. Mais rappelons-le, on doit lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire. Ça va être une nouvelle saison, ça va être une nouvelle voiture, une nouvelle équipe. Alors, il faut quand même lui laisser le temps, pas lui mettre trop de pression de ce côté-là. Mais Nico Hülkenberg, lui, est de nouveau dans une nouvelle équipe pour la saison 2017. Il y a aussi du karting qui a eu lieu cette fin de semaine du côté du Québec, parce que oui, on sait, il commence à faire froid, il fait pas nécessairement super beau partout. Et la plupart des séries ont terminé leur saison régulière. Par contre, qui dit septembre-octobre dit aussi l'heure des enduros dans le monde du karting, et c'est ce qui s'est passé du côté de SRA Karting. On parle d'une endurance de 3 heures. Donc, c'était cette fin de semaine sur la piste de karting de Saint-Roch-de-Lachigan. Donc, à la piste SRA Karting, les pilotes ont disposé du même matériel, soit des karts Saudi RT8. On avait 14 équipes qui étaient en piste pour s'affronter. Le départ de l'épreuve a été donné à midi samedi, oui, exactement, avec un départ style Le Mans, un petit peu comme on voit du côté par exemple, des 4 heures ou des 6 heures de pole position. On se souvient, c'est quelque chose qui a été fait souvent. Donc, les pilotes devaient rester en courant la ligne de départ-arrivée pour courir à leur machine qui était stationnée de l'autre côté, l'œil moteur en marche. C'est toujours le fun à voir un départ de style Le Mans comme ça. Donc, comme on le retrouve aussi traditionnellement aux 4 heures de pole position, c'est comme ça que ça se passe. Et l'épreuve, d'ailleurs, des 4 heures de pole position, dont l'édition 2017 aura lieu le 18 février prochain. Sachez-le si jamais vous voulez aller voir ça. La piste n'a pas encore été déclarée. Si je me souviens bien, ça n'a pas encore été annoncé où ça se passera, mais c'est tout autre. C'est tout le temps le fun d'aller voir un enduro, parce que bien souvent, ce sont les pilotes qui, justement, leur saison régulière est terminée. On a du temps, on veut avoir du fun. L'hiver est là, on veut surtout rester en bonne forme, continuer à pratiquer le sport. Alors, les enduros, ce sont des compétitions, disons-le, qui sont très le fun à regarder, même si vous n'êtes pas nécessairement dans le monde de la course automobile, même si c'est juste un petit questionnement à savoir comment est-ce que ça se passe. Eh bien, je vous invite à aller faire un tour le 18 février prochain, que lorsqu'on aura la piste, bien évidemment, on vous le dira, mais ça va être les 4 heures de pole position. Donc, les équipes pouvaient être composées de 2 à 4 pilotes et ils devaient tous effectuer, bien évidemment, un tour minimum. Il y a eu 3 arrêts 3 arrêts obligatoires au puits, dont un pour le ravitaillement du kart. Donc, on parle essence qui devait durer 60 secondes. On parle aussi du changement des participants comme pilote. C'est quelque chose que bien souvent, les équipes vont se pratiquer avant un enduro comme ça, parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps et c'est souvent là aussi où qu'on peut en gagner. Bien évidemment, 60 secondes pour remplir le kart d'essence, ça dure 60 secondes. Mais du moment qu'on est capable d'effectuer un changement de pilote assez rapidement, c'est souvent là où on va pouvoir prendre peut-être les devants sur quelqu'un d'autre. Donc, de ce côté-là, c'est tout le temps très intéressant de voir les gars sortir et entrer dans le kart. Le poids devait être de 180 livres minimum. Et si la moyenne d'équipe était inférieure à ce poids-là, eh bien, la différence devait être ajoutée au kart. On s'entend, hein? Tu sais, hein? OK, c'est ça. malheureusement, j'ai pas encore les résultats de comment est-ce que ça s'est passé, mais je suis persuadée qu'au nombre de pilotes qui étaient sur place, il y a dû avoir beaucoup de plaisir. Entre autres, on parlait de Mathieu Demers, Paul Heng, Scott Jeffries était là, François Pillon, Francis Gagné. On parle aussi de François Saint-Pierre, Simon Lalonde. Et si on va du côté aussi, Team GM, Claude Caron, Marc Coury, Vincent Boileau, Nicolas Korn. Donc, ce sont tous des pilotes et des gens qui baignent dans le monde de la course automobile. Ça devait être tout un spectacle du côté de SRA. Je suis un petit peu triste d'avoir manqué ça. Ben oui, je dois le dire. du côté de cette fin de semaine, ça a été aussi le temps de déclarer un nouveau champion du côté du Rallycross, le FIA World Rallycross. On parle de Mathias Ekström, qui lui a mis la main sur le championnat 2016. Mais on parle aussi, bien évidemment, de... Oh mon Dieu, j'ai perdu le nom! Non, attendez! Il faut absolument que je retrouve le nom du gars qui a fait le dépassement le plus sensationnel au monde. Et voilà, Kevin Eriksson, qui a fait un dépassement, disons-le, de feu. Donc, on le sait, pour ceux qui connaissent le monde du rallycross, c'est un départ à 4, 5, 6 voitures. On va pas nécessairement au-delà de ce nombre de véhicules-là. Et Kevin Eriksson a réussi à faire ce que peu de gens ont réussi à faire depuis le début de la saison, c'est-à-dire doubler, pas une, pas deux, mais bien 4 voitures dans le premier coin. C'était assez remarquable. Il y a plusieurs vidéos de ça qui tournent sur Internet, un petit peu partout sur Facebook. Si vous voulez aller voir ça, je vais vous mettre le lien sur la page Facebook dans Piste avec Tania Baudin. Mais c'est hallucinant. Donc, on lui a demandé, bien évidemment, après la course, qu'est-ce qui s'était passé, à quoi est-ce qu'il a pensé de faire cette stratégie-là. Il a tout simplement dit, ben j'ai passé là où mon père m'a dit de passer et j'ai surtout juste pas freiner. Tiens, on dit des fois que une course, ça se gagne pas au premier coin, ça se gagne pas dans le premier virage, mais je pense que Kevin Eriksson a quand même réussi à prouver qu'on peut en doubler plusieurs au départ et dans le premier virage. Alors, si jamais ça vous intéresse, comme je le disais, je vais mettre tout ça sur la page Facebook qui est dans Piste avec Tania Baudin. C'est fou, je vous le dis, vous allez le regarder une fois. Probablement deux fois. Vous allez probablement vous rendre à 10 fois, en fait, parce que c'est vraiment hallucinant de voir à quel point ça se passe extrêmement vite. De notre côté, eh bien, on l'a dit en début d'émission, c'est une heure à parler de course automobile, mais aussi à écouter de la musique style country. Alors, sans plus tarder, on va aller écouter Megan Patrick avec Grace and Grit. Et au retour, eh bien, on va voir le nouveau segment de l'émission. Grace and Grit, Megan Patrick, en piste avec Tania Baudin. Je le disais tout à l'heure, on est ensemble jusqu'à 15h. Au retour de la pause, on va faire le nouveau segment de l'émission. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que ça devrait être quelque chose que vous allez apprécier. Du moins, je l'espère, je m'en croise les doigts. Alors, au retour, on va faire le segment Portrait de pilote. Vous êtes assez fous. 80. On est rendu au nouveau segment de l'émission. Vous êtes toujours en onde à écouter En piste avec Tania Baudin. On est quasiment à la mi-émission. Disons ça comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, la saison est différente un petit peu cette année parce qu'on a décidé de poursuivre l'émission même pendant que la saison est un petit peu plus morte, un petit peu plus morte du côté du monde de la course automobile. Alors, j'ai décidé de faire un nouveau segment, quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait dans l'émission En piste avec Tania Baudin. J'ai décidé de faire un segment Portrait de pilote. On le sait, on discute souvent avec plusieurs pilotes québécois ou canadiens. C'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent en termes de temps dans la saison, donc c'est-à-dire pendant qu'on est encore dans la saison de course automobile. Ça se passe un petit peu plus du côté de l'été, mais lorsque vient le temps de discuter de d'autres choses que des résumés de courses ou je sais pas moi qu'est-ce qui se passe durant la fin de semaine, eh bien j'ai décidé de vous faire justement ce portrait de certains pilotes avec qui on a déjà discuté. Donc mon premier portrait de pilote, en fait, est le pilote québécois Olivier Bédard, qui est âgé de 19 ans. J'ai décidé de commencer avec Olivier parce que c'est un de nos très bons collaborateurs. On l'a reçu plusieurs fois dans l'émission, que ce soit en entrevue, bien souvent en entrevue téléphonique, disons-le, parce qu'on est un petit peu loin de la ville de Montréal, alors c'est assez difficile de se déplacer. Mais Olivier Bédard, depuis la saison dernière, on en entend beaucoup parler, que ce soit dans les médias, que ce soit pour justement ses exploits en course automobile. Alors, j'ai décidé de vous le présenter un petit peu plus profondément, disons ça comme ça. Alors, Olivier, il est âgé de 19 ans, bien évidemment, il parle français et anglais, et il étudie en gestion de commerce du côté du Cégep. C'est un champion. Oui, disons ça comme ça, parce qu'il a été déclaré champion à plusieurs reprises dans sa, je ne vais pas dire sa grosse vie de course automobile, mais quand même, il a du vécu, ce jeune de 19 ans, disons-le. Il a été lauréat du trophée Gilles Villeneuve en 2015. Il a été vice-champion du Canada en karting en 2012 et 2014. Il a été aussi champion du Québec de karting en 2011 et en 2013. On parle aussi d'un vice-champion en Formule 1600 en 2014. L'année dernière, il a réussi à mettre la main sur le premier championnat de la série Nissan Micra, donc champion Coupe Nissan Micra en 2015. Cette année, ça s'est un petit peu moins bien passé du côté de sa saison en Nissan Micra. Par contre, on a quand même eu plusieurs podiums pour Olivier Bédard. Alors, on est très fiers de lui pour la saison 2016. Mais Olivier, c'est un jeune pilote qui a commencé en karting à l'âge de 9 ans au niveau provincial. Donc, il a commencé à faire ses preuves en Rotax Minimax. Par la suite, a décidé de passer à la Rotax Max Junior et, vous l'aurez deviné par la suite, a été en Rotax Senior avant de faire ses débuts en monoplace. Donc, en 2013, Olivier a fait le saut du monde du karting vers le monde du circuit routier, disons ça comme ça, en sautant dans une monoplace qui était la Formule 1600, où il a terminé 3 fois dans le top 4 et bien évidemment se frotte aux meilleurs pilotes de cette catégorie, c'est-à-dire québécois et canadiens, et parfois américains aussi, parce qu'on le sait, la Formule 1600, c'est une série qui amène, selon l'événement auquel on participe, plusieurs pilotes, que ce soit, comme je le disais, québécois, canadiens ou américains. Et en 2014... eh bien, Olivier a entrepris sa deuxième saison en monoplace à bord d'une voiture qui était compétitive. Il s'est affiché parmi les meneurs dès la première séance de qualification en signant une première pole position. Et la saison a été franchement un succès avec 9 podiums, 2 victoires, aucune course en dehors du top 5. Donc, il a terminé vice-champion cette année-là. En 2014, et c'est ce qui a vraiment mis, disons ça comme ça, Olivier sur la map j'ai l'impression. Olivier, qui est un pilote que je connais depuis de plusieurs années parce que j'ai moi-même travaillé dans le monde du karting. Alors, je savais déjà à la base que Olivier, c'est un pilote qui est capable de rouler dans les top 5, qui est capable de faire des podiums événement après événement. Mais en 2015... c'est vraiment une année de succès pour le pilote. Il s'est lancé à la dernière minute dans la toute nouvelle série qui était la Coupe Nissan Micra. Le pari était de partir avec 5 victoires, 8 podiums et bien évidemment le titre de champion 2015, ce qu'il a réussi à faire parce que, disons-le, ça a été assez remarquable, merci. Et par la suite, Olivier a participé également à sa première course en NASCAR Canadian Tire du côté du CTMP. Si vous ne savez pas ce qu'est le CTMP, peut-être saviez-vous ce qu'est Mossport. C'est comme ça qu'on appelait l'endroit il y a quelques années encore. Mais c'est tout simplement le circuit de NASCAR Canadian Tire au Canadian Tire Motorsport Park. Et pour la saison 2016, eh bien... Olivier a participé avec l'équipe Albi Nissan pour défendre son titre de championnat de la Coupe Nissan Micra. On a réussi à le voir un petit peu partout sur les podiums, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas un pilote qui est rarement sur les podiums, disons-le. Mais récemment, là où je veux vous amener avec ce portrait de pilote, c'est que récemment, Olivier Bédard a commencé à s'intéresser de plus en plus par le stock car. Donc, en fin de semaine, j'ai réussi à voir sur son Instagram et son Facebook qu'Olivier Bédard est allé faire quelques tests du côté de Vallée-Jonction. Eh bien oui, parce que le vice-champion de la Coupe Nissan Micra, Olivier Bédard, a songé à réorienter sa carrière vers justement le monde du stock car. Comme je disais tout à l'heure, il a couru en karting en Formule 1600 avant de connaître vraiment beaucoup de succès l'année dernière en Micra. Mais il a piloté une voiture Ford qui dit de la classe Sportsman de Martin Latulippe sur l'ovale de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction cette fin de semaine. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, bien, il avait déjà participé à un événement de la série NASCAR Canada. Alors, il voulait effectuer cet essai-là avant l'hiver afin de savoir si jamais l'ovale et si jamais il était compétitif sur ce genre de tracé-là. Alors, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça s'est passé pour lui parce qu'après la première séance en piste, il a vraiment trippé. Disons les vraies affaires, il était comblé et c'est ce qui a fait ça lui a fait énormément de plaisir, ça a été super le fun. Il dit qu'il a réalisé de très bons temps et qu'il était vraiment à l'aise dans la voiture. Donc, c'est quelque chose qui a été possible de faire. Il dit que le style de pilotage est bien évidemment différent à celui qu'il connaît. Par contre, c'est vraiment en douceur que Olivier a réussi à pouvoir s'adapter à ce type de voiture. Il dit que le chef d'équipe lui a expliqué qu'un sportsman, ça se pilotait d'une certaine façon, comme en kart du style 4 temps. C'est quelque chose qu'on avait déjà discuté, lui et moi, dans l'émission, lorsqu'on jasait de sa voiture d'une Nissan Micra. J'avais dit que justement lors du Grand Prix de Trois-Rivières à plusieurs reprises, on avait eu cette fameuse comparaison-là de dire que le pilotage d'un kart 4 temps est un petit peu semblable à celui de la Nissan Micra et lui-même le disait, il dit oui, c'est sensiblement vrai du côté technique, du côté aussi puissance des moteurs, c'est quelque chose qui est semblable et là c'est quelque chose que justement on retrouve aussi en stock car. Alors il faut être vraiment, faut être gentil avec la voiture, il faut être smooth, il faut travailler avec les trajectoires et bien évidemment favoriser les sorties de virage. Alors c'est une très bonne école pour apprendre le pilotage sur ovale. Il dit qu'il sait toutefois très bien que piloter et tout seul en piste, c'est quelque chose, mais que de rouler en peloton avec des gens autour de nous, c'est complètement différent. Alors, il y aurait pas mal de choses à apprendre selon lui. Par contre, Olivier Bédard, qui a déjà disputé une course en série NASCAR, comme je le disais tout à l'heure, avoue que le stock car, c'est vraiment maintenant son objectif. Là, je tiens à vous le dire, je suis vraiment contente de voir ça. Il dit que son but est de courir en série NASCAR Pinty's en 2018. Attendez, je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Il dit que le titre décroché par Kaden Lapsevich cette année a vraiment démontré qu'il est quand même essentiel de posséder une bonne expérience des courses sur ovale pour réussir en NASCAR Canada. Donc, il dit qu'il veut courir en série ACT ou encore en Sportsman en 2017 pour la prochaine saison. Et le pilote ajoute qu'il préférait faire partie d'une équipe existante pour ne pas avoir qu'à se concentrer, pour avoir en fait à se concentrer juste sur son pilotage et son apprentissage. Donc il dit qu'il évolue avec les options qui s'offrent à lui, mais il est certain que ça va, qu'il va bien s'entourer de gens expérimentés, des gens qui connaissent ça. Et je dois le dire, j'ai vraiment l'impression qu'Olivier Bédard pourrait en impressionner plus d'un à bord d'une voiture stock car. C'est quelque chose que l'on voit quand même assez rarement. Les jeunes qui commencent par le monde du karting, bien souvent, vont prendre cette voie vers la monoplace, qui est pas... Je dis pas que c'est quelque chose qui est mauvais de prendre cette voie-là tout de suite après le monde de la monoplace. Par contre, on commence justement à ouvrir cette option-là aux jeunes de dire « Attends, il n'y a pas juste la monoplace si jamais tu veux passer du monde du karting au monde du circuit routier ou si tu veux passer du kart aux voitures. Il y a aussi le merveilleux monde du stock car et on commence justement à aller piéger, pas aller piéger, mais à aller piger cet intérêt-là un petit peu à gauche et à droite chez plusieurs pilotes. Et comme Olivier Bédard le dit, c'est quelque chose qui est un apprentissage assez difficile. On le sait, il y a les ovales, il y a les circuits routiers par la suite. C'est une technique de pilotage qui est différentes. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'avec le gros bagage qu'Olivier Bédard a à 19 ans, il pourrait justement très bien performer, que ce soit en NASCAR Pinties ou encore en ACT, en Sportsman. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour lui durant la saison morte. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire de ce côté-là? J'ai hâte de voir s'il va réussir son objectif parce que, disons-le, je pense que ça serait le fun de voir Olivier Bédard à bord d'une stock car en 2017. Voilà, c'est dit. On va aller écouter Dallas Smith avec Autograph et au retour, on parle championnat mondiaux. Bet you were a homecoming queen, real life small town dreams. You probably had them lined up in old blue jeans and drop tailgates at 17, hanging on your every word. But if you'd ever let me, I'd change your autograph. I'd put my name on you and I'd put a big gold ring in your left hand, so everybody knew that I'm the lucky one with heaven on my arm. Sun going down, head to town, one knee on the ground, I'd change your autograph. You look like some kind of star on the hood of my car. Ruby red on your lips, blow a kiss, make a wish. If you'd let me, girl, I'd go that far. I'd change your autograph, I'd put my name on you, and I'd put a big gold ring in your left hand, so everybody knew heaven on my arm. Sun going down, head to town, one knee on the ground, I'd change your autograph. So everybody knows, everybody sees, everywhere you go, that you're with me. Girl, let me, I'd change your autograph, I'd put my name on you, and I'd put a big gold ring in your left hand, so everybody knew heaven on my arm. Sun going down, head to town, one knee on the ground, I'd change your autograph. I'd change your autograph. Dallas Smith avec Autograph. une toune plutôt calme, disons-le, mais quand même, je trouve que ça fit bien dans le monde de la course automobile de parler d'autographe. Alors voilà, c'est dit. Je vous disais, avant d'aller en musique, qu'on allait parler de championnat mondial. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Si vous étiez en onde ce matin, si vous étiez en onde ce matin dans l'émission Assemblage requis avec Mathieu Plante et moi-même, à un certain moment dans l'émission, Mathieu a dit que j'étais vraiment multitasking parce qu'en même temps qu'il parlait, en même temps que je lui répondais, j'étais quand même capable d'écouter une course sur mon ordinateur en même temps que de co-animer avec lui. Il faut expliquer que, disons-le, il se passe présentement deux championnats mondiaux du côté de l'Italie. Je parle entre autres du championnat Vortex Rock Cup et aussi du championnat mondial de Rotax, donc le Rotax Grand Finals. Les deux se déroulent du côté de l'Italie et bien évidemment, c'est quelques heures de différence. Alors quand eux sont en plein milieu de leur course, moi j'anime le matin. Donc, j'ai comme pas nécessairement le choix de suivre en même temps que d'animer les courses qui se passent du côté de l'Italie parce que je voulais vous en parler justement dans l'émission aujourd'hui. Ça brasse beaucoup. On a plusieurs représentants qui sont du côté de l'Italie, que ce soit des représentants québécois ou que ce soit des représentants canadiens. Alors, de ce côté-là, je voulais vraiment prendre le temps d'en jaser, de regarder aussi qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Alors, on va commencer par le Vortex Rock Cup, oui, qui se déroule au South Garda Karting et qui va regrouper au total ou environ 800 pilotes. OK, je répète. Va regrouper 800 pilotes. Bien évidemment, ça va être divisé en plusieurs catégories différentes, mais c'est un événement qui est extrêmement nombreux au titre du nombre de pilotes qui vont être sur place. Et dans ces 800 pilotes-là, eh bien, il y en a 5 qui sont québécois, qui sont canadiens et qui nous représentent, qui vont du moins nous représenter très, très bien. Croisons les doigts, j'en doute pas en fait, parce que ce sont des gars qui ont vraiment beaucoup de talent. Alors, du côté du Vortex Rock Cup, il y a Nicolas Bédard qui va être là, Danny Saint-Hilaire, Jean-François Lafontaine, Dominique Legrand et Michel Legrand qui vont être tous presque dans différentes catégories. Je crois que Jean-François Lafontaine et Dominique Legrand vont courser dans la même catégorie. Pour les autres, on va vraiment se partager les catégories qui vont être là. Par contre, ce sont des pilotes qui, ici même au Québec ou au Canada, lorsque vient le temps de courser en shifter, comme on dit dans le monde du karting, eh bien, ce sont des pilotes qui sont toujours en avant. C'est très, très rare qu'on va voir ces pilotes-là ne pas performer de façon assez exceptionnelle. Bien souvent, lorsque je regarde Jean-François Lafontaine courser ou encore même Dominique Legrand, que ce soit les deux sur la même piste ou que ce soit un ou l'autre dans différentes catégories, ce sont des pilotes qui sont très, très rigoureux et qui sont aussi, j'ai quasiment le goût de dire, le mot m'échappe, mais on est très stratégique aussi. On y pense à cette fameuse stratégie-là. Et lorsqu'on arrive à un grand championnat comme ça du côté de l'Italie avec plus de 800 pilotes, eh bien, c'est quelque chose à laquelle on doit penser, cette fameuse stratégie-là. On doit aussi prendre en considération qu'on n'est pas nécessairement dans le même pays. Donc, la température va bien évidemment changer. La piste va être différente. On parle aussi des réglages au niveau du kart qui vont être différents. On va peut-être pas nécessairement ou non plus travailler avec les gens avec lesquels on est habitué de travailler parce que c'est un championnat mondial. Alors, on va aller chercher les meilleurs mécanos, les meilleures aides pour pouvoir justement arriver à mettre la main sur ces fameux titres-là. Et je pense que nos Québécois vont peut-être même en surprendre plus d'un du côté de l'Italie. Les qualifications de cette compétition-là devraient commencer demain matin. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, rendez-vous sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Pour ce qui est du Vortex Rock Cup, je vais être capable de vous feeder un petit peu, de vous donner de l'information à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, du côté de Facebook. Je pense que ça va être notre moyen de suivre jusqu'à mercredi prochain. Et aussi, on parle, tu sais, de plusieurs pilotes qui vont participer. Entre autres, Barrichello va être là avec ses deux fils. Ils vont participer à cet événement-là. On parle des championnats un championnat qui a déjà été gagné par plusieurs personnes qui ont extrêmement bien performé dans le monde de la course automobile par la suite, que ce soit en karting ou que ce soit en Formule 1 ou peu importe. C'est vraiment, ce sont des championnats qui amène justement la crème du monde du karting. Et j'ai hâte de voir ça. Du côté aussi de l'Italie, parce que à 6 heures de la piste où se déroule le Vortex Rock Cup, il y a le Rotax Grand Finals qui est à sa 16e édition cette année. Si jamais vous êtes capable de lire l'anglais, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien rendez-vous vraiment sur le canadiancartingnews.com pour avoir tous les détails. Cody Schindel, qui est le manager du site internet, est là-bas sur place pour justement mettre toute l'information disponible sur nos Canadiens, sur nos Québécois en ligne, en même temps que ça se produit. Alors ce matin, j'étais en train de regarder les courses qui se déroulaient d'un côté. Je suivais le tout sur Canadian Karting News, j'animais et j'écoutais ce que Mathieu me disait avec ses jeux de mots. Alors je vous dirais que ce matin, à 7h30, j'étais déjà beaucoup occupée. Mais ça se passe super bien jusqu'à présent pour certains de nos Canadiens qui sont là-bas. Entre autres, on a déjà eu les qualifications. Les premières courses ont déjà été disputées. Entre autres, Ryan McDermid, qui est un Ontarien, jeune Ontarien qui course dans la catégorie junior, a qualifié premier hier et a terminé aussi premier ce matin dans la première course de la fin de semaine. Alors, de la façon que ça fonctionne du côté du Rotax Grand Finals, c'est qu'on va faire une course qui va qualifier le pilote pour chaque départ des trois prochaines courses. Donc, si vous comprenez bien, on fait la qualification. Si vous terminez, par exemple, premier en qualification, vous allez partir premier pour les trois prochaines épreuves. Par la suite, on va accumuler les points que vous avez faits pendant les trois prochaines courses et à la suite, vous allez avoir votre place de départ pour la course finale. C'est comme ça que ça se passe du côté du Rotax Grand Finals. Et ce matin, eh bien, Ryan McDermid, à sa première course, a réussi à garder cette première position. Je vous dirais que ça n'a pas été chose facile parce que il y a plusieurs pilotes qui sont extrêmement expérimentés aussi, que ce soit simplement en junior. Junior, on parle aux alentours de 12-14 ans. Là. On parle pas ben plus vieux que ça. Alors, de ce côté-là, c'est impressionnant aussi de les voir, ces jeunes pilotes-là, en course, avoir autant de technique, avoir autant aussi de sang-froid, disons-le comme ça, parce qu'à certains moments, c'est plus de 40 pilotes qui sont en piste. Alors, ça fait du monde autour de nous, surtout lorsqu'on est premier et qu'on essaie de garder notre position, de défendre notre position, chose que Ryan McDermid a très bien fait ce matin. C'est quelque chose qui a été fait dans le respect de tous les pilotes qui étaient sur la piste. Et on a eu quelques échanges aussi entre la première, la deuxième, la troisième position. À certains moments, Ryan McDermid était rendu en quatrième position, mais on a quand même réussi à reprendre l'avance qu'on avait à un certain point et on a repris la première position, chose qui nous a fait du bien en tant que représentant du Canada. Donc, on a hâte de voir ce que Ryan McDermid va être capable de faire pour les deux autres prochaines courses qui vont être demain. Si c'est chose que vous voulez regarder, sachez que c'est possible de le faire sur Internet. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aller chercher le lien pour écouter tout ça en ligne sur le site de Canadian Karting News. Vous allez voir, c'est super facile. C'est inscrit. Écoutez en direct les finales mondiales. Et demain matin, ça devrait commencer à 4h30 du matin, si jamais vous voulez écouter ça. Et ça se termine vers les 11h30 de l'avant-midi. C'est quelque chose qui s'écoute bien, OK? Vous pouvez mettre ça en fond pendant que vous êtes en train de travailler. De toute façon, la voix qui commente toutes les courses est anglaise, donc ça va faire comme de la musique à vos oreilles. Un autre Canadien qui a très bien performé dans la catégorie junior, c'est Samuel Lupien. Après la première course, il a terminé tout juste derrière Ryan McDermid, qui s'est retrouvé donc en deuxième position. Samuel Lupien, qu'on a déjà eu lui aussi en entrevue ici dans Piste avec Tania Baudin. On avait discuté justement de cette finale-là au Mondial. Il disait qu'il était très excité. Son frère avait déjà participé, mais lui avait jamais participé. Alors, de ce côté-là, Samuel Lupien, ça se passe bien. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour lui demain. Mais de voir deux Canadiens comme ça, super bien performer dès le départ du côté de l'Italie, ça peut justement en surprendre plus d'un. Mais pour nous, pour nous, ici même au Canada, on est vraiment très heureux. Il y a Marco Signoretti en DD2 qui, lui aussi, performe quand même bien. On parle d'un top 10 en fin de première course, mais on parle d'une qualification top 5. On a qualifié 4e pour Marco Signoretti. Alors, c'est un pilote qu'on doit garder à l'œil. Et aussi Marco Di Leo, qui est un Ontarien qui a terminé 5e à sa première course en senior. Alors, lui aussi, un pilote d'expérience, si on n'est pas à sa première présentation des mondiaux du côté du Rotax. Je pense qu'il est rendu comme à 7 participations. Il le disait lui-même lorsque la saison a terminé ici au Canada. Il dit « Je pense que je commence à me faire vieux un petit peu, mais je veux vraiment aller chercher ce titre-là de champion du monde. Alors, je m'en vais là-bas en espérant vraiment pouvoir performer du mieux que je peux. » Mais il dit aussi « Je veux juste avoir le plaisir de me dire que, OK, c'est fait, j'en ai fait pendant 7 fois. Je pense que là, je peux vraiment me retirer. » Mais Marco Di Leo, qui est un pilote assez remarquable sur piste, il est très, très constant. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui les deuxième et troisième courses de ce côté-là demain. Je pense qu'on va y aller tout de suite avec les faits divers de ce qui s'est passé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Qu'est-ce qui a fait un peu rouler le monde des blablas, des rumeurs et, et tout ce qui s'est passé sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Vous allez voir, on en a vraiment pour tous les goûts. La première nouvelle que j'ai réussi à trouver, eh bien, ça se retrouve sur le site motorsport.com. C'est la DeLorean DMC-12 qui va à nouveau être en production. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la DeLorean DMC-12, oh, sachez-le, si vous aimez les classiques, eh bien, vous avez bien évidemment vu Back to the Future. C'est la voiture de Back to the Future. Si vous voulez retourner dans le temps, eh bien, croisez-vous les doigts pour que ce soit peut-être justement un prix qui va être abordable, espérons-le. Mais elle devrait refaire surface d'ici quelques temps. Elle va renaître prochainement pour justement les Marty McFly en herbe. Il est désormais possible de passer les précommandes de sa voiture pour l'année 2017. À l'origine, DeLorean, c'est une triste aventure parce que celle de l'industriel un peu trop mégalo, un peu mauvais choix, la DeLorean DMC-12, c'est aussi une auto un peu trop visionnaire qui a vu le jour en 1981, donc la carrosserie en inox, le moteur qui pouvait convenir à toutes les législations, mais pas aux amateurs de sport. On parle de porte-papillon aussi, une finition qui est plus ou moins belle. Donc, c'est bien sûr sur la trilogie de Retour vers le futur, Back to the Future, à partir de 1985, qu'on a rendu la voiture légendaire, mais bien après la fin de sa carrière qui avait été en 1983. Donc, c'est grâce à Steven Spielberg et Robert Zemeckis qu'elle a acquis la renommée qu'elle a aujourd'hui. On s'en arrache pas mal les mains aujourd'hui. On essaie d'en avoir une, peut-être, dans notre cours. Il y en a seulement 8583 exemplaires présentement dans le monde. Tu sais, je sais pas de dire au Canada ou aux États-Unis. Non, je parle vraiment dans le monde. Donc, si jamais vous voulez avoir toutes les informations, je vais vous mettre le lien vers l'article qui nous parle de la DeLorean DMC-12. Et sachez aussi qu'il va y avoir un Québécois qui va avoir la chance d'exposer sa Subaru WRX à Las Vegas. Là, vous me dites peut-être « OK, ouais, félicitations ». Non, mais il y a un citoyen de Québec qui va participer à l'une des plus grandes expositions de voitures au monde. C'est Éric Guérette, un Québécois et un citoyen de Québec, la ville, qui s'est qualifié au Tuner Battlegrounds Championship, qui est un concours qui va le mener jusqu'à Las Vegas avec sa Subaru WRX 2002. Donc, chaque semaine, le concours mettait en compétition deux propriétaires de voitures et le public devait choisir pour qui allait passer au prochain tour de la compétition. Le 3 octobre dernier, Éric a atteint le top 8, mais son ascension n'était pas sûre encore. On a dû attendre un petit peu pour voir comment est-ce que ça allait se passer. Et en avançant de 2 tours, il s'est mérité le Grand Prix, un voyage toutes dépenses payées afin de présenter sa voiture à l'une des plus grandes expositions de voitures au monde, le Specialty Equipment Market Association de Las Vegas. Vous pouvez aussi appeler ça le CEMA, si vous voulez. C'est l'acronyme qu'on y donne. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se passer pour lui. Il dit qu'il a plein d'amis qui ont déjà fait le concours, mais à sa connaissance, Il est celui qui s'est rendu le plus loin jusqu'à présent. Lorsqu'il pense au prix, il y a peut-être des petits frissons parfois. Il dit que tu peux parler à tous les vrais passionnés de voitures et ils vont te dire que c'est un rêve de participer à ce genre de spectacle-là et encore plus d'y aller toutes dépenses payées pour montrer sa propre voiture. C'est lui qui a fait les modifications qui ont été faites à la voiture. C'est lui qui en prend soin. Donc, le SEMA de Las Vegas réunit quand même près de 60 000 amateurs de voitures chaque année. Ça va avoir lieu du 1er au 4 novembre prochain. Et pendant que certains rêvent d'avoir les derniers modèles de véhicules, le résident de Beauport, lui, s'est consacré corps et âme à sa voiture qu'il possède depuis 2004. Il dit « Tout le monde me demande constamment combien j'ai mis dans cette voiture-là, en termes de monnaie, en termes d'argent, bien évidemment. » Mais il dit « Mais en réalité, c'est vraiment dur à évaluer. Quand on a une passion, on compte pas nécessairement le temps ou encore l'argent qu'on y met. » Moi, j'ai l'impression que ça va mettre peut-être justement le Québec sur la map grâce à ce concours-là. Mais on lui souhaite la meilleure des chances pour l'exposition du côté de Las Vegas. Peut-être est-ce que vous ne le savez pas, mais peut-être est-ce que je vais vous l'apprendre. Robert De Niro va jouer le légendaire Enzo Ferrari dans un film. OK. Ça, c'est les rumeurs qui courent. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est une rumeur d'Internet. Apparemment que la superstar d'Hollywood, de Robert De Niro, a révélé qu'il allait jouer Enzo Ferrari dans un projet presque biographique à budget du légendaire italien qui a marqué, bien évidemment, le monde de la Formule 1. Donc, dans une entrevue avec un journal italien, Robert De Niro a annoncé que le projet avait pris vraiment priorité dans sa vie en termes de production ou et que ça devrait commencer très bientôt. Donc, le film va être produit en Italie. On espère en avoir le film d'ici la fin 2016. Moi, je pense que ça serait quand même cool de voir ça, Robert De Niro jouer Enzo Ferrari, mais je ne sais pas si ça serait bon comme film. J'espère. Je ne suis pas en train de dire que Robert De Niro n'est pas un bon acteur. Loin de là. Je pense que c'est un de mes acteurs préférés. Par contre, c'est peut-être quelque chose qui va être difficile à mettre en film hollywoodien épique, mettons. On se souvient du film Rush. Le film Rush a été super. Je pense que de mettre quelque chose à ce niveau-là par la suite, ça va être quand même assez difficile, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Du côté de Internet aussi, un petit peu partout sur Internet, on peut voir que le Grand Prix de Trois-Rivières a annoncé des choses vraiment excitantes cette dernière semaine. Oh que oui, mesdames et messieurs. On a annoncé un renouvellement de 3 ans pour 3 séries différentes qui coursent ici sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, on parle de la série NASCAR Pinty's qui en est à son premier accord de 3 ans. C'est pas quelque chose qu'on voit très, très souvent, la série NASCAR Canada, que de tout simplement signer un contrat de plusieurs années. Alors, premier contrat de 3 ans pour la série. On parle aussi du FIA World Rallycross qui, eux aussi, ont signé pour un 3 ans. Et on parle de la super moto, une nouveauté de cette année qui a extrêmement bien fonctionné. Les gens ont trippé. Moi, j'ai travaillé à la description de ce qui se passait sur la piste. J'avais jamais commenté de la moto. J'espère que pour le plaisir des gens qui m'écoutaient, ça a été bon, mais moi, j'ai eu un plaisir fou à animer ça, à commenter ce qui se passait sur la piste. Vraiment, les gars de moto, ce sont des gars qui ont vraiment pas froid aux yeux. Hein. C'est des gars de sang-froid, ça a peur de rien. Je leur lève mon chapeau. Quand ça tombe, ces gars-là, ça tombe. Hein. C'est pas des joueurs de soccer. C'est tellement méchant de dire ça. C'était gratuit comme commentaire. Je m'excuse à tous les joueurs de soccer que je connais. Mais vraiment, les gars en moto ont trippé aussi à venir au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, je suis très contente de voir cette annonce-là de 3 ans pour 3 séries qu'on adore ici à Trois-Rivières. Et chose pour laquelle on est particulièrement fiers, on a réussi à mettre les billets du Grand Prix de Trois-Rivières en vente un peu partout sur Internet, à la billetterie du Grand Prix de Trois-Rivières. On a réussi à les mettre en vente avant le Grand Prix de Montréal. C'est la première fois que ça arrive, mais je pense qu'on peut on peut donner une tape dans le dos à tous les gens du côté de l'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières pour avoir fait cet excellent travail-là, de réussir à avoir 3 grosses séries comme ça pour un renouvellement de 3 ans. C'est merveilleux. Et je veux terminer aussi, cette semaine, on n'a pas eu un bloc de ce segment-là. On n'a pas eu de segment électrique, mais la Formule E a fait quelques annonces cette semaine et la semaine dernière. Bien oui, si vous avez une application Snapchat sur votre téléphone intelligent, sachez-le, vous pouvez maintenant suivre la FIA Formule E en Snapchat. Alors, vous allez peut-être pas nécessairement voir toutes les courses au complet, mais bien évidemment, on met de l'avant cette fameuse folie-là des réseaux sociaux, de YouTube aussi. Ils ont une chaîne YouTube. Si jamais vous avez le temps d'aller voir ça, c'est vraiment génial. Et on parle de la FIA Formule E sur Snapchat. Alors, j'imagine que vous allez pouvoir voir peut-être des petits behind the scenes lorsque va être le temps de se rendre du côté soit du côté de Montréal, soit du côté de l'Australie, ou peu importe où ils vont courser, vous allez probablement voir certains pilotes faire apparition sur cette fameuse chaîne Snapchat. Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. C'est déjà fini. Attendez, est-ce que ça va fonctionner? On fait un test. Oui, ça fonctionne. C'est terminé pour cette semaine. Restez en onde parce que de 15h à 17h, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante qui s'en vient. Et nous, bien, on se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain, pour être en direct. Sinon, si vous écoutez en rediffusion tout le temps, bien, on va se retrouver le dimanche. Et sinon, si vous êtes genre à vous lever tôt, on va écouter Assemblage requis tous les matins. De 7h30 à 9h30 en direct, mais sachez-le, si vous vous levez encore plus tôt que ça, vous pouvez nous écouter de 6h30 à 7h30 aussi. C'est ça, c'est la fin. C'est Mathieu qui va prendre sa place. Moi, je vais vous quitter avec une pièce de... Qu'est-ce qu'on écoute? On a parlé du Grand Prix de Trois-Rivières. On va aller écouter la pièce Our Town de Tyler Farr et je vais vous laisser avec... Le Mathieu Plante Show. À la semaine prochaine! We played caps and rappers in the streets around our house. It was fun and games back then, but it ain't funny now here in our town. Just a bunch of kids skipping church and acting so cool. But now we're lighting candles on a Friday afternoon here in our town. We were raised in the shadows of crosses and flags. When we pledge allegiance, we take off our hats here in our town. That football jersey blue. So I don't know who the hell that is up there on the news. That ain't our town. We were raised in the shadows of crosses and flags. When we pledge allegiance, we take off our hats here in our town. We say yes, man.